s'accumule sur ta planète. Que tu mets le drame dans tes baskets. Quand y a plus de folie dans ta guitare, faut changer ton oxygène. Dans sa catastrophe sous ton chapeau, que t'apocalypse dans ton métro, quand tu plonges tes rêves dans la névrose, faut pas rester tout seul chez toi. La pêche, laisse pas tomber. Remonte tes bretelles, ça va passer. Sors-toi de ton igloo, rock et roll avec nous. Demain tu oublieras tout ça. Si t'as pas le feeling, sois pas mimi. Remonte ta machine, ça va rouler. Pousse ta vapeur maxi, le tempo c'est la vie. Danse, danse, danse et jette ta gare. Insomnie sur ton sleeping. Quand y a plus de soleil dans ta télé, faut prendre un ticket Tahiti. Si t'as pas la pêche, laisse pas tomber. Remonte tes bretelles, ça va passer. Sors-toi de ton igloo, rock'n'roll avec nous. Demain tu oublieras tout ça. Si t'as pas le feeling, sois pas mimi. Remonte ta machine, ça va rouler. Pousse ta vapeur maxi, le tempo c'est la vie. Danse, danse, danse et jette au placard. Tes bretelles, ça va.